de Thomas Luis de Victoria, compositeur surtout, disons, du 16e siècle espagnol. Nous écoutions Vadam et Circuibo. Il s'agit d'un disque paru sous étiquette Harmonia Mundi, ayant pour titre, comme je le disais au tout début, Song of Songs. Et c'était l'ensemble style antico, constitué de jeunes chanteurs britanniques qui interprétaient cette pièce. Nous nous attendrons à nouveau à cette Espagne de la Renaissance avec le compositeur Alonso Mudara, guitariste et vihueliste d'ailleurs, l'un des premiers compositeurs ayant créé pour la vihuela, sorte, disons, de cousin du luth dont vous apprécierez, je crois, les sonorités. Thank you. Avec l'ensemble Undamaris, nous écoutions la Fantasia numéro 10 et Pavane 3 d'Alonso Mudara, également compositeur de la Renaissance espagnole. Il s'agit d'un disque paru sous étiquette Alpha et le titre en est Ay Luna, Música Española del Siglo de Oro. Bien que né en Italie, où nous nous attardons aujourd'hui, le prochain compositeur a passé la majorité de ses vies en Espagne. C'est là où il décède, plus précisément à Madrid, tout comme Thomas Luis de Victoria que nous écoutions au tout début de cette émission, mais toutefois, précisons, plus de 150 ans plus tard. Il s'agit de José Melchor Baltasar Gaspar Nebra Blasco, qui vécut entre 1602 et 1668. À 17 ans, ce José Melchor est nommé organiste au Monastère royal de Madrid. Compositeur de 5 opéras, entre autres, nous écoutons un récitatif et une aria de son premier opéra, Amor, Amuanta el Valor, paru en 1728. De l'opéra Amor aumenta el valor de José Melchor Baltasar Gaspar de Nebra Blasco, nous écoutions un récitatif et une aria de son opéra, interprété par les talents lyriques sous la direction de Christophe Rousset, et nous entendions la superbe belle voix de Maria Bayo Soprano. Disque paru sous étiquette Astrée, ayant pour titre Arias de Zarzuela Barroca. Place maintenant au grand claveciniste Tom Koopman pour ainsi dire, je pense bien, jamais encore entendu à cette émission et qui nous permet maintenant de découvrir une toccate et une gaillarde de cet autre compositeur espagnol, Juan Cabanillas, qui vécut, lui, entre 1644 et 1712. Avec Ton Koopman, claveciniste, nous écoutions Toccata y Gallarda de Juan Cabanilles. Paru sous étiquette Virgin, le titre de ce CD, El Barroco Espagnol. Nous ne pouvons quand même pas nous balader ainsi en Espagne sans faire place à l'incontournable grande dame, Montserrat Figueras. Nous l'écouterons ici interpréter un chant du XIIIe siècle du compositeur Martin Codax. Avec Montserrat Figueras, nous écoutions Oncas Domar Cantiga d'Amigo de Martin Codax, disque paru sous étiquette Aliavox, ayant pour titre Lux Feminae 900 à 1600. Si vous avez apprécié le deuxième segment musical de cette émission où figurait le compositeur Alonso Mudara, vous devriez savourer tout autant les trois fantaisies et deux pavanes qui suivront, attribuées à un contemporain de Mudara et également du nombre des premiers compositeurs ayant écrit pour la vihuela, fort apprécié d'ailleurs comme instrument au cours de la Renaissance espagnole. Il s'agit de Luis Milan, qui vécut entre 1500 et 1561. Thank you. Thank you. De Luis Milan, qui vécut au tout début du XVIe siècle, nous écoutions la Fantaisie 1, Fantaisie 8 et 11, Pavane 1 et 4. Il s'agit d'un disque paru sous étiquette Alpha et Luna Musica Española del Siglo de Oro, tel est le titre de ce CD. À la recherche, à l'animation, donc au micro, ici Jean-Pierre Harel. À la mise en onde directement du studio de Sherbrooke, Michel Croteau. Au plaisir de vous retrouver d'une semaine à l'autre. Vous êtes à l'antenne de Radio-VM. Imaginez un monde où personne n'est laissé pour compte. Un monde de solidarité et d'inclusion. C'était le rêve du cardinal Léger il y a plus de 75 ans et aujourd'hui, c'est notre vision chez Mission Inclusion. Avec votre soutien, nous changeons la vie des enfants, des femmes et des communautés vulnérables ici au Québec et partout dans le monde. Chaque geste nous permet de bâtir un avenir où chacun a sa place. Un monde où tout est inclusion. Votre aide fait une vraie différence. Textez le mot « mission » au 202-22 pour faire un don ou visitez le missioninclusion.ca pour découvrir votre impact. Bonjour, ici Denis Chagnon qui vous invite à l'émission « Marcher vers le bien-être ». Par le biais d'entrevues, de chroniques et de reportages, nous explorerons ensemble les immenses bienfaits de cette activité simple et accessible qui peut transformer profondément un individu et contribuer à changer notre monde. C'est donc un rendez-vous les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h. Au plaisir de vous y accueillir. Ici Joanne Verdon. La santé et la qualité de vie par les méthodes naturelles de santé, voilà un thème qui interpelle toute personne soucieuse de respecter la vie et de la protéger. Je vous invite à écouter l'émission que j'anime depuis quelques années déjà sur Radio-VM, le samedi de 8h à 10h, Santé en direct. Je réponds à vos questions et je vous transmets de multiples informations. Cette émission vous est présentée par New Roots Herbal. Radio-VM.com. Au cœur du monde. Je vous propose de partir en voyage dans le monde des contes et des légendes, du nord, du sud et sur tous les continents. Histoires vraies, inventées, récits imaginaires, découvertes de terres inconnues, avec les yeux émerveillés d'enfants qui jouent. La légende se confond avec la réalité. C'est une histoire, la nôtre, la vôtre. Chaque semaine, entrez avec nous au cœur du monde sur Radio-VM. Aziz Fares au micro, bonjour. C'est une maison qui change de couleur pour s'adapter aux humeurs du temps. Murs tantôt bleus, comme le ciel de Californie, jaunes comme les tournesols si chers à Van Gogh, verts en souvenir des pâturages de la belle Irlande, ocre comme le sable du désert où l'on se perd, gris comme l'ardoise du Jura. Couleur d'un arc-en-ciel qui transporte les souhaits des enfants de la terre. La maison bleue. couleur d'un arc-en-ciel qui transporte les souhaits des enfants de la Terre. Tous les rêves ici prennent forme. Rêves dorés à l'or fin comme un bijou ancien. Rêves multicolores pour conquérir le monde. Rêves en relief dans lesquels des chevaliers servants tentent de séduire la belle. Rêves qui deviennent réalité. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Animaux fabuleux, personnages de légende, combats épiques, héroïques, petits princes égarés, princesses endormies dans des châteaux mystérieux, rivières de diamants qui coulent en faisant teinter des milliers de gouttes d'eau.